comme il aimait à lire, un centenier, nommé Mouan, l'avait pris en aversion. Il l'appelait sans cesse et l'accablait d'injures. Esclave que tu es, lui disait-il, qu'as-tu besoin de lire comme les autres hommes? Il le traitait continuellement avec une dureté tyrannique. Dans la suite, Chang Kong obtint le grade de docteur et devint membre du tribunal des peines. Mouan ayant été enveloppé dans une accusation qui se rattachait aux fournitures de vivres, il fut traduit devant le tribunal des peines pour y être interrogé et subir la question. Mais dès qu'il eut aperçu Chang Kong, il fut frappé d'un effroi mortel. Chang lui parla avec douceur et le pria de lui expliquer en détail pourquoi il était ainsi compromis. Il prit fait et cause pour Mouan et le mit en liberté. Ce trait montre la générosité et la grandeur d'âme de Chang Kong, qui oublia tout à fait son ressentiment. Confucius disait « Rendez le bien pour le mal. Pays et chaude si ne pensez point à leurs anciennes injures, aussi avaient-ils peu d'ennemis. Pourquoi ne pas les imiter? Faire peu de cas de la vie du peuple. » Commentaire. Les mots King Mi renferment l'idée de faire peu de cas de quelqu'un, et le blesser ou le tuer. L'expression « tiens minute » veut dire le peuple. Les hommes qui naissent sont comme les nouveau-nés du suprême maître du ciel. Voilà pourquoi le peuple s'appelle tiens minute, peuple du ciel. Si les hommes qui sont placés au-dessus du peuple font assez peu de cas de lui pour le blesser ou le tuer, le ciel ne les souffrira pas longtemps sur la terre. Histoire. Zhou Pin, qui vivait sous la dynastie des Song, commandait le corps d'armée chargé de châtier les rebelles. Jamais il ne permit de massacrer les vaincus. Quand il se fut emparé de Sui Cheu, ses soldats voulaient exterminer tous les habitants de la ville. Zhou Pin seul s'y opposa. Il demanda aux femmes et aux filles qui se trouvaient prisonnières à quelle famille elles appartenaient et les renvoya à leurs parents. Lorsqu'il se rendit maître de la province de Qiangnan, il brûla des parfums et fit prêter à toute l'armée le serment de ne pas massacrer un seul homme quand la ville serait prise. On ne saurait calculer le nombre de personnes qu'il sauva avant et après cette catastrophe. Dans la suite, les fils et les petits-fils de Zhou Pin furent comblés d'honneur et s'élevèrent aux charges les plus éminentes. Tao Wen, surnommé Yi Kong, disait souvent « Nous autres hommes, dès que nous sommes entrés en fonction, nous aurions beau penser sans cesse à secourir nos semblables et faire du bien aux animaux, nous ne pourrions racheter la 10 000e partie des crimes que nous avons commis pendant notre vie. Je me rappelle avec douleur qu'autrefois, quand je fus envoyé en mission dans le pays de Yue, j'ai employé, pendant un espace de plusieurs milliers de lis, tant d'hommes pour porter ma chaise, tant d'hommes pour aller ma barque. Je songe que ces pauvres gens, qui ont fait un service si pénible, étaient des hommes comme moi. Tantôt, au milieu des ardeurs de l'été, ils étaient inondés de sueur. Tantôt, dans le fort de l'hiver, il leur fallait braver le vent et la neige. Je me reproche toutes leurs peines comme des crimes énormes que je ne pourrai jamais expier. Les deux hommes que nous venons de citer ne pouvaient souffrir qu'on fît du mal au peuple du ciel. Ceux qui tiennent une conduite opposée à la leur doivent prévoir quel châtiment leur est réservé. Mettre le désordre dans l'administration du royaume. Commentaire. Les mots Zhaoluan signifient introduire des changements, des innovations dans l'administration, ne point se conformer aux lois anciennes. Par les mots Kuiqing on entend les affaires relatives à l'administration de l'État, les lois, les défenses. Depuis longtemps, le peuple est accoutumé à suivre les lois du royaume, et il trouve son repos et son bonheur dans leur observation. Si vous changez les règlements, si vous en établissez de nouveaux, vous renversez les lois fondées par les ancêtres de votre souverain, vous faites le malheur du peuple. C'est le crime le plus grave qu'un homme puisse commettre. Si le souverain se laisse aveugler et ne vous inflige point le châtiment que vous avez mérité, vous n'échapperez point aux peines de l'autre monde. Histoire. Wang Anshi, qui vivait sous les Song, avait fabriqué de nouvelles lois qui ne faisaient qu'aggraver la misère et les souffrances du peuple. Son fils, Wang Fang, se montrait encore plus dur et plus cruel que son père. Dans sa 33e année, il tomba malade et mourut dévoré d'ulcères. Un jour, il vit entrer chez lui un de ses anciens employés qui était mort depuis longtemps. « Sauriez-vous, lui demanda Anshi avec émotion, où est maintenant mon fils Wang Fang ?»« Si vous voulez le voir, lui répondit celui-ci, vous pouvez l'attendre cette nuit dans votre tente. » Anshi obéit et attendit dans l'endroit indiqué. Il vit en effet un homme revêtu d'un manteau rouge, qui vint s'asseoir devant un bureau. C'était son ancien employé. Bientôt arrivèrent plusieurs soldats attachés à la geôle de l'enfer, qui amenèrent un prisonnier chargé de fer, et qui se traînait péniblement. La terre était souillée du sang qui ruisselait de ses pieds, et l'on ne pouvait entendre sans frémir ses plaintes déchirantes. Cet homme était Wang Fang. Anshi n'eut pas la force de parler. Il versa un torrent de larmes, et il expira quelque temps après. Voilà le châtiment de ceux qui mettent le désordre dans l'administration du royaume, et qui tyrannisent le peuple. Yang Wen, surnommé Xiang Kong Yitzing, disait « Le premier devoir de ceux qui gouvernent consiste à simplifier les affaires et non à les multiplier, à observer les lois et non à les changer. On doit rechercher la paix plutôt que le trouble et l'agitation, montrer de la douceur et de la bonté plutôt qu'une exigence tracassière. C'est pourquoi ceux qui occupent des charges doivent se garder de se créer des affaires. Si l'on veut toujours entrer dans les détails les plus minutieux, on affaiblit sa santé, on use les facultés de son esprit, et, de plus, on s'expose à toutes sortes de tourments et d'embarras. C'est pour cela que les anciens disaient, si vous vous tenez dans les bornes du respect, si vous agissez en tout avec ménagement et modération, vos affaires seront bien réglées, et votre cœur trouvera sur la terre le calme et le repos. Voilà la vraie science que doit posséder un bon ministre. Accordez des récompenses à ceux qui ne les ont point méritées. Commentaire. Le mot Shang 1 veut dire récompense. On entend par ce mot les dignités, les appointements, les louanges, les encouragements. Le mot qui 2 signifie arriver à. Par l'expression fei, sin et justitia, on entend ici ceux qui ne sont pas dignes des récompenses. Les récompenses servent à rémunérer ceux qui ont rendu des services à l'État et à encourager les autres hommes à les imiter. Si vous n'accordez pas de récompense à ceux qui en ont mérité, vous n'aurez plus aucun moyen d'encourager les hommes. Si, au contraire, vous accordez des récompenses à ceux qui en sont indignes, non seulement vous blessez la justice distributive, mais encore vous montrez pour les méchants une indulgence coupable, qui ne fait qu'augmenter leurs crimes, et les excite à violer les lois. Quels moyens emploierez-vous alors pour contenir les inférieurs dans le devoir ? Histoire. Lorsque Chang Yong était gouverneur de Chou, Liu Yu, attaché au corps d'armée appelé Kuang Yu-Kyu, leva l'étendard de la révolte. Ce magistrat ne tarda pas à le châtier. Plusieurs soldats apportèrent des têtes de rebelles et demandèrent une récompense. Yong leur dit : comment, dans une attaque impétueuse et au plus fort de la mêlée, avez-vous eu le temps de prendre ces têtes ? Vous avez sans doute coupé la tête à des hommes qui étaient déjà morts. Il fit traiter dans le camp tous ceux qui avaient reçu des blessures graves, et inscrivit leurs exploits au premier rang, et mit au second rang ceux qui avaient rapporté des têtes d'ennemis. Tout le monde approuva cette manière de récompenser et de punir. Infliger des châtiments à ceux qui n'ont commis aucun crime. Commentaire. Le mot ying un signifie châtiment, peine de mort. Les mots wuku désignent ici un homme qui n'a point commis de crime. Si vous infligez un châtiment à un criminel, il mourra même sans se plaindre. Mais si vous infligez un châtiment à un homme qui n'a commis aucun crime, si vous le faites succomber à une accusation injuste, vous ne manquerez pas d'en être puni par les esprits et les démons. Histoire. Chao Shi avait la charge de Kiao Sheu, dans le corps d'armée appelé Wu Wei Qiu. Il vit en songe un homme qui lui dit : Zhu Suo m'a fait subir une mort injuste. Son Excellence Zhu, lui répondit Chao Shi, a une connaissance profonde des lois, et de plus, il se conduit en toute occasion avec la plus stricte équité. Comment aurait-il pu vous faire mourir injustement ? Zhu Suo, répondit le plaignant, n'avait point l'intention de me faire mourir, mais il manifesta un doute qui empêcha de reconnaître mon innocence, et j'ai été condamné à mort. J'ai dénoncé au roi de l'autre monde celui qui a été cause de mon injuste condamnation. Quelque temps après, Zhu Suo mourut subitement. Lorsque Li Zhuoshui était juge de Huainan, il y avait dans la prison 5 brigands qui dirent qu'ils avaient eu pour complice un bonze qu'ils désignèrent. Ces 5 criminels ayant été exécutés, il fit amener devant lui le bonze qu'ils avaient dénoncé. Celui-ci protesta avec énergie qu'il n'avait jamais pris part à leur brigandage. Zhu Shui soutint fortement la déclaration des 5 voleurs. Pendant la nuit, il ordonna de coller avec du papier la bouche et les narines du bonze, et le fit ainsi mourir. Un mois après cet événement, un soldat de la prison, nommé Qinang, s'écria tout à coup : Je suis étranger à la mort du bonze. Ce que j'ai fait m'avait été commandé par Zhu Shui. À ces mots, il expira. Le lendemain, le juge Liu Yuan fut emporté subitement, et, le jour suivant, Li Zhuoshui mourut au milieu des plus cruelles douleurs. On voit par là qu'une condamnation injuste porte toujours avec elle son châtiment. Les juges criminels doivent donc apporter la plus sévère attention toutes les fois qu'ils rendent une sentence. Yayuan qui était occupé à examiner, pendant la nuit, des pièces de procédure. Il frappait la table et poussait des soupirs. Plusieurs fois il voulut abaisser le pinceau, et s'arrêta au moment d'écrire. Sa femme lui en ayant demandé la cause, il répondit : Je dois décider aujourd'hui des exécutions capitales qui auront lieu à la fin de l'année. D'un coup de pinceau dépend la vie ou la mort d'un homme. Cette idée me glace de douleur, et je n'ai plus la force d'écrire. Yashing qui avait la charge de Tingwei. À chaque hiver, époque où l'on prononce les condamnations capitales, Xingqie tenait le pinceau à la clarté d'une lampe que lui présentait sa femme. Il pleurait avec elle et disait : Il ne faut point infliger des peines trop rigoureuses aux coupables. Il remplit cette charge pendant 12 ans, et ne condamna jamais personne injustement. Tout le monde, dans l'Empire, exalta sa justice et son indulgence. Voilà la tension sévère que ces deux hommes vertueux apportaient dans l'application des peines. Tuer les hommes pour s'emparer de leurs richesses. Commentaire. Ce passage s'applique également à ceux qui volent à main armée et à ceux qui attendent secrètement à la vie des autres pour s'emparer de leurs richesses. Ils ne manquent jamais de recevoir, quand il le faut, la peine due à leur crime. Quelquefois aussi des hommes qui avaient employé la ruse pour immoler leurs semblables ont reçu immédiatement la peine de leur crime. Histoire. À une époque où la famine régnait dans le pays de Tchou, un étranger qui portait 5 boisseaux de riz traversa un village où il demanda à passer la nuit. L'hôte et sa femme formèrent le complot de le tuer pendant son sommeil. Leur fils, qui ignorait ce cruel dessein, alla dormir avec l'étranger. Vers la fin de la nuit, celui-ci se leva pour aller quelque part. L'hôte s'approcha du lit avec une hache, et distinguant, au milieu de l'obscurité, un homme qui dormait d'un profond sommeil, il lui fendit la tête. Puis il appela sa femme et lui dit : « Les 5 boisseaux de riz sont à nous. » Sa femme apporte une lumière pour l'éclairer, et reconnaît que c'est son fils, qui vient d'être assassiné. Elle pousse des cris perçants et verse un torrent de larmes. L'étranger l'entendit de dehors, et s'enfuit avec effroi. Quand le jour fut venu, il alla dénoncer ce crime au magistrat, qui condamna l'hôte à la peine capitale. Hélas, ajoute le commentateur, pendant cette année de disette, l'étranger voulait nourrir sa famille avec ses 5 boisseaux de riz, et son hôte voulut le tuer pour s'en emparer. Aussi le ciel n'a point souffert qu'il vécût plus longtemps, et il a voulu qu'il devînt lui-même son meurtrier. Quelle surprenante issue! Quel prompt châtiment! Il y a encore des magistrats, remplis d'une basse cupidité, qui infligent de cruelles tortures aux accusés pour leur extorquer des présents. Il y a des charlatans qui traînent en longueur le traitement de leurs malades pour augmenter leurs honoraires et qui finissent par les faire mourir. Ce crime les met au rang des assassins. Un certain Ti, de Liang, était gouverneur du district de Qingyuan, dépendant de la province de Yunnan. Un homme riche, étant mort, laissa à sa femme une immense fortune. Le frère cadet du défunt forma le projet de lui disputer cet héritage en justice, et promit au gouverneur de le partager également avec lui, s'il pouvait en dépouiller sa belle-sœur. Ti fit amener la veuve devant lui, et, à l'aide des plus rigoureuses tortures, il parvint à lui arracher 40 000 onces d'argent, dont le frère du défunt donna la moitié au juge. La veuve mourut avec le ressentiment dans l'âme. Quelque temps après, Ti quitta sa charge et retourna dans sa famille. S'étant une fois endormi pendant le jour, il vit cette femme qui tenait un poisson de forme arrondie. Elle vint le suspendre au-dessus de son chevet et disparut à l'instant. Bientôt après, tout son corps se couvrit d'ulcères qui avaient la forme du poisson qu'il avait vu en songe. Il les toucha avec la main et reconnut des insectes vivants, pourvus de 4 pieds. La douleur pénétrait jusqu'à la moelle de ses os, jour et nuit il poussait des cris affreux et mourut au milieu des plus cruelles souffrances. Il eut 5 fils et 7 petits-fils, qui moururent des mêmes ulcères. Un chirurgien nommé Siu, de la province de Qiangnan, traitait un vieillard riche, qui était affligé d'ulcères et qui lui avait promis de lui donner 300 onces d'argent. Siu, qui désirait recevoir promptement cette somme, ne se pressa point de le guérir. Il introduisit dans ses plaies des morceaux de papier, enduits d'une préparation irritante. Le malade souffrait des douleurs inexprimables. Son fils eut plusieurs discussions avec le docteur, et ne put se dispenser de lui donner la moitié de la somme promise. Il y avait déjà 3 veilles que les morceaux de papier étaient enfoncés dans les plaies du vieillard. Quand on les eut arrachés, il mourut en perdant tout son sang. Son fils traduisit le chirurgien devant le tribunal, mais celui-ci gagna le juge à force de présents et se tira d'affaire. Quelques jours après, Sue se vit frapper en plein jour par le vieillard qui l'avait fait mourir. Grâce, grâce, s'écria-t-il. J'ai eu tort, sans doute, mais vous ne devez accuser que l'avarice de votre fils. Au bout de quelques jours, il mourut en vomissant des flots de sang. Voilà encore comment le ciel punit ceux qui tuent les hommes pour s'emparer de leurs richesses. Renverser les autres pour s'emparer de leur place. Commentaire. Le mocking, signifie faire tomber quelqu'un, c'est-à-dire le faire destituer. Le mauvais, 4, place, veut dire ici emploi, charge d'un magistrat. Quand on renverse une autre personne pour s'emparer de sa charge, on peut bien être entouré d'honneur, mais on ne manque jamais de s'attirer la haine et l'animadversion publique. La justice céleste nous rend bientôt l'appareil, de sorte qu'en renversant les autres nous n'avons fait que préparer notre propre chute. Histoire. Sous la dynastie des Song, Lien Tousen était jaloux du ministre d'État Chaopu, dont la charge éminente avait appelé sur lui l'estime et l'attention du public. Il eut recours à l'influence de Fong Wang, et, réunissant ses efforts aux siens, il parvint à le renverser, en l'accusant d'un crime secret. Chaopu fut alors destitué, et sa charge passa à Tousen. Mais bientôt Chaopu justifia sa conduite et recouvra sa charge de ministre d'État. Lien Tousen fut exilé dans un pays lointain appelé Chuyé. Mite Chao devint jaloux de Zopin, qui faisait partie de l'intendance militaire appelée Chumiyuan, et dont le rang élevé attirait sur lui l'estime et l'attention publique. Il l'accusait chaque jour de violer les lois, et, à force de calomnie, il finit par le faire destituer. Zopin fut alors dépouillé de sa charge, qui passa à Te Chao. Mais au bout de quelques jours, Chaopu réussit à démontrer son innocence, et l'empereur le rétablit dans sa charge. Te Chao fut exilé dans un pays lointain appelé Qiongcheu, et y mourut. On voit par ces deux exemples comment le ciel punit ceux qui renversent les autres hommes pour s'emparer de leur place. Tuer les ennemis qui se rendent, et massacrer ceux qui viennent se soumettre. Commentaire. Le mot Yang, 2, signifie se rendre au vainqueur. Le mot Fo, 4, veut dire ici venir se soumettre avant le combat. Les deux mots Chu, 1, et Lu, 3, signifient également tuer. Quand les hommes se rendent au vainqueur, ou viennent volontairement faire leur soumission, tantôt c'est parce qu'ils ont épuré leur cœur, et qu'ils se laissent guider par l'amour de la justice. Nous devons louer les motifs qui les font rentrer dans le devoir. Tantôt c'est parce qu'ils sentent leurs forces épuisées, et qu'ils se voient pressés par une nécessité invincible. Nous devons avoir pitié de leurs faiblesses et les accueillir avec bonté. Il y aurait de la barbarie à vouloir absolument les tuer et les massacrer. C'est pourquoi l'on dit, il n'y a pas de plus grand crime que de tuer des ennemis qui se sont rendus. On dit encore, celui qui tue des ennemis qui se rendent est puni jusque dans sa 3e génération. Histoire. Autrefois, Yang eut avant fait mourir 400 000 soldats qui s'étaient rendus, son royaume fut détruit, et lui-même périt d'une manière cruelle. Li Kuang ayant fait mourir 800 Mongols qui s'étaient rendus à lui, ne put obtenir de principauté. Sous la dynastie des Song, lorsque Zhai Qiueu était gouverneur de Yucheu, des rebelles abordèrent au pied du mont Liangshan et vinrent au nombre de 500 lui offrir leur soumission. Qiueu les fit tous massacrer. L'année suivante, il mourut couvert d'ulcères. Un de ses parents, nommé Wang Kong, mourut et ressuscita quelques jours après. Il raconta qu'il avait vu Qiueu qui subissait dans l'autre monde la peine de ses cruautés. Le ciel aime à donner la vie aux hommes, il déteste ceux qui les font périr. En voyant les malheurs et les châtiments de ceux qui ont fait périr des ennemis qui s'étaient rendus, il est permis de juger que ceux qui conservent la vie de leurs semblables seront comblés de bonheur. Sous la dynastie des Ming, Yu Xiu avait la charge de moniteur impérial. Il bravait la neige et marchait la nuit pour découvrir les rebelles jusque dans leurs retraites les plus cachées. Il trouva 800 hommes qui avaient échappé jusque-là à toutes les recherches. Un fonctionnaire public, qui avait le titre de Jiang Qiao, s'imagina que le moniteur impérial allait obtenir une principauté. Le but qu'on doit se proposer lorsqu'on fait marcher des troupes, lui dit Yu Xin, c'est de rendre au peuple la paix et le repos. Comment serais-je assez inhumain pour fonder mes exploits sur le nombre de têtes que j'aurais coupées? Si je fais mourir ces malheureux qui sont réduits à l'extrémité et demandent la vie, ce sera me révolter contre le ciel. Celui qui se révolte contre le ciel est privé de postérité. De cette manière, 800 hommes échappèrent à la mort qui les menaçait. Dans la suite, les trois fils de Yu Xin devinrent présidents du tribunal suprême. C'est ainsi que le ciel le récompensa pour n'avoir pas voulu tuer des ennemis qui s'étaient rendus. Exiler les hommes vertueux et faire destituer les sages. Commentaire. Le mot pian hein, signifie exiler quelqu'un dans une contrée lointaine. Le mot qing de veut dire un homme droit. Le mot paille, 3, signifie pousser quelqu'un, lui faire perdre la place qu'il occupait. Le mot yin, 4, signifie un sage lettré. Les hommes droits, les sages lettrés, sont le principal appui du prince et du peuple. Si vous les expulsez, si vous les éloignez de leurs emplois, vous fermez la route aux hommes vertueux, vous faites le malheur de l'État. Et comme vous avez montré une extrême méchanceté envers vos semblables, vous ne pouvez manquer de subir un châtiment cruel. Histoire. Sous les derniers princes de la dynastie des Qin vivait un homme